Chapitre 22e, une tentative. Le vicomte de Kerlussé et le jeune duc de Vallombreuse arrivèrent, par un concours naturel de circonstances, au village Saint-André peu de temps après l'entrevue de Flavia Morin et de Madame de Vallombreuse. Flavia, encore sous le coup de cette lutte terrible, savourait son triomphe avec une ivresse sauvage. Comme elle avait humilié cette fière duchesse, comme elle l'avait contrainte à subir ses conditions et à lui faire le sacrifice du bonheur de ses deux filles. Cependant, au souvenir d'Ève et de Marcel, un remords venait se glisser dans son cœur et assombrir sa joie. Elle les avait aimées toutes deux, et elle les enveloppait impitoyablement dans sa vengeance. Maxou avait bien lu dans son âme, lorsqu'il avait condamné, avec sa rude franchise, le mobile égoïste auquel elle obéissait. Sans l'amour qu'elle portait à Maury, dont le seul nom prononcé faisait bouillonner son sang, elle aurait reculé sans doute devant l'accomplissement de son œuvre. Mais alors, Marcel serait devenue la femme du vicomte de Kerlussé, et c'est ce qu'elle ne voulait point. Cet amour était à la fois l'âme de sa vie et son châtiment. Pourtant, elle ne désespérait pas encore. Le cœur humain a de si étranges retours. Amaury, séparé à tout jamais de Marcel de Vallombreuse, chercherait peut-être un jour l'oubli dans un nouvel amour, et la trouvant, elle, Flavia, près de lui, aimante et dévouée, qui sait s'il ne lui tendrait pas la main. Aussi se proposait-elle, une fois son œuvre vengeresse accomplie, de s'en retourner en Amérique rejoindre Kerlussé, dont elle ignorait l'arrivée en France. Qu'on juge donc de sa stupeur, lorsque Scabieuse vint lui annoncer que le vicomte demandait à lui parler. Lui ici, fit-elle en pâlissant. Puis, portant la main à son cœur pour en comprimer les battements, « Qu'il entre !» ajouta-t-elle. La jeune négresse sortit. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau, et Kerlussé parut. Flavia Morin, toute pâle encore et frissonnant d'émotion, s'avança vers lui et lui tendit sa belle main, dont il était fier une princesse de sang royal. « Soyez le bienvenu dans nos montagnes, » lui dit-elle. « Si je m'attendais à une visite, certes, ce n'était point la vôtre, monsieur de Kerlussé. Mais c'est peut-être mon père que vous désirez parler. » Dans ce cas, vous l'entendrez, car il est absent. « C'est vous, mademoiselle, que je désirais voir d'abord, » répondit le vicomte en serrant la main qui lui était tendue. « Moi d'abord, » reprit Flavia en souriant. « Mais savez-vous que toute autre femme à ma place serait orgueilleuse de ce que vous dites là? Comment, c'est en partie pour moi que vous êtes venue du fond de l'Amérique? Oui, mademoiselle. S'il en est ainsi, le motif qui vous amène doit être bien grave. Fort grave, en effet. Il s'agit de mon existence et de mon bonheur. Mais en quoi votre bonheur et votre existence peuvent-ils dépendre de moi ? Dit Flavia, dont le cœur battait à rompre. Avant de vous répondre, mademoiselle, permettez-moi de revenir un moment sur le passé. Sur le passé ? Et pourquoi ? Je ne comprends pas. Vous souvenez-vous de notre rencontre il y a 2 ans, sur le paquebot qui nous emmenait tous les deux aux États-Unis ? Je ne l'ai point oublié, et ne l'oublierai jamais. À peine arrivés à New York, nous nous séparâmes, bien certains de ne plus nous revoir, et cependant le hasard ou la providence, 2 jours plus tard, nous réunissait de nouveau. « C'est vrai, » murmura Flavia en regardant Amaury avec des yeux étonnés. « Cette fois, » poursuivit M. de Kerlussé, « notre rapprochement devait être de plus longue durée. Nous avons passé près de 2 ans l'un près de l'autre. « Et vous m'avez sauvé la vie, » interrompit l'ancienne institutrice. « Non, non, je n'ai rien oublié. N'est-ce pas vous qui, dans cette tenue de deuil et de crime, m'avez emportée, sanglante, à demi morte dans vos bras ? N'est-ce pas vous qui avez veillé à mon chevet pendant de longues heures avec le dévouement d'une sœur de charité ? Ces choses-là, monsieur, ne s'oublient pas. » « Je n'aurais pas évoqué ce souvenir, » reprit Kerlussé, « mais je suis heureux que vous l'ayez conservé. Il plaidera sans doute en faveur de la demande que j'ai à vous adresser. » Les paroles du vicomte avaient été jusqu'ici enveloppées comme d'un voile, d'où ne se dégageait point le sens exact de sa pensée. Il en était résulté que Flavia avait passé tour à tour par des alternatives tantôt de doute, tantôt d'espoir. Par moments, elle se demandait, toute frémissante, si son sauveur du puits noir ne l'aimait point. L'instant d'après, elle repoussait cette supposition qu'elle taxait de folie. Les dernières paroles d'Amaury lui firent comprendre que le voile qui lui cachait la lumière allait se soulever. Et cependant, elle n'osait point interroger Kerlussé, dans la crainte de voir son illusion d'un moment s'évanouir pour toujours. Amaury, debout devant elle, attendait. Elle s'arma de tout son courage et elle répondit « Quelle est cette demande, monsieur de Kerlusset ?»« Je vous ai appris autrefois, dit-il, les motifs qui m'avaient conduit en Amérique, à la recherche de la fortune. Cet exil temporaire m'était, si vous vous en souvenez, conseillé par un amour que je portais au fond de mon cœur. En effet, murmura Flavia, qui respire à peine, vous aimiez à cette époque une des filles de la duchesse de Vallombreuse, Marcel. Oui, je me rappelle son nom. Cette jeune fille, je l'aime toujours, je l'aime plus que jamais. Flavia Morin fit un mouvement dont la signification échappa au vicomte. Oh, je sais bien, continua-t-il, toute la haine que vous portez à sa mère. N'ai-je pas le droit, interrompit l'ancienne institutrice, de haïr ma plus mortelle ennemie. Mais si, en souvenir de la mort à laquelle je vous ai arraché, je vous priais, je vous suppliais, moi, que vous ne pouvez pas haïr, de ne point briser le bonheur de ma vie et de renoncer à votre vengeance, est-ce que vous repousseriez ma prière ? Flavia, remuée jusqu'au fond des entrailles par cette voix dont la douceur l'enivrait, passa une main sur ses yeux comme pour ne pas voir celui qui faisait appel à sa générosité et à sa reconnaissance. « Eh bien, » reprit Amaury, de la même voix suppliante, elle abaissa brusquement sa main et s'approchant de Kerlusset. « Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, vous, loyal gentilhomme, » répondit-elle, « donnez votre main à une jeune fille dont la mère serait condamnée à une honte perpétuelle si je parlais, si je voulais parler. » Amaury pâlit. « Mais pour proférer de telles paroles, » dit-il à Flavia, « vous avez donc une preuve du crime que vous imputez à la duchesse ?»« J'ai son aveu écrit de sa main, entendez-vous ?» répliqua Mademoiselle Morin, dont l'animation s'accroissait à chaque mot qui sortait de sa bouche. « Tout à l'heure, cette orgueilleuse duchesse était ici, m'implorant, lorsque j'ai placé sous ses yeux cette preuve indéniable. « Quoi ? Elle vous implorait ? Et vous êtes resté inexorable ? Ne l'a-t-elle pas été autrefois, elle qui a jeté le déshonneur sur mon nom ? Votre nom, mais vous ne le portez plus. Qui donc aujourd'hui pourrait reconnaître dans Miss Colfax, la fille de Sir John Colfax, l'un des plus riches industriels des États-Unis, l'ancienne institutrice Flavia Morin ? Le nom de Morin est celui de mon père, un brave officier mort sur le champ de bataille, et cette femme, cette grande dame, cette duchesse afflétrie, avilie, déshonorait le nom sans tache qu'il m'avait légué. Mais la grandeur du pardon ne vous relèverait-elle pas aux yeux de tous, si, connaissant votre innocence, vous connaissez en même temps votre générosité ? Paradoxe que tout cela. Voyons, monsieur de Kerlusset, sur votre âme et conscience, si vous aimiez la fille adoptive de John Colfax, l'épouseriez-vous, sachant que derrière le nom qu'elle porte aujourd'hui se cache celui de Flavia Morin ? Sur mon âme et conscience, répondit le vicomte, si j'étais convaincu de son innocence, oui, je l'épouserais. Et cela est tellement vrai que si, contrairement à ce que j'attendais de vous, mademoiselle, vous vouliez jeter la honte sur le nom de la duchesse de Vallombreuse, je n'hésiterai pas un seul instant à épouser ma chère Marcel. Cette déclaration, qui, plus que tous les raisonnements du monde, témoignait de l'étendue de l'amour qu'Amaury portait à sa fiancée, pénétra comme un coup de couteau jusqu'au fond du cœur de Flavia Morin. « Libre à vous, monsieur, de conserver quand même votre amour, » répondit-elle à Kerlusset. « Moi, je garde ma haine. » Amaury comprit, devant une réponse aussi hautaine, que toute nouvelle insistance de sa part serait inutile. Il se leva, salua Flavia sans prononcer un mot, et sortit du salon. Au moment où il sortait, il se croisa avec Sir John Colfax, de retour d'une excursion au lac d'Annecy. L'Américain, en voyant le vicomte, fit trois pas en arrière, et la stupéfaction lui retira pendant quelques secondes l'usage de la parole. « Vous ? Vous ? » dit-il enfin. Puis, prenant Amaury par le bras, il l'entraîna plutôt qu'il ne le conduisit à son cabinet de travail. Une fois là, il s'assit, fit signe à M. de Kerlusset de s'asseoir, et lui dit brusquement « Pourquoi avez-vous quitté mon puits ?»« J'ai quitté l'Amérique, » répondit le vicomte, « parce que je ne pouvais pas continuer à être plus longtemps votre associé. » « Avez-vous donc à vous plaindre de moi ?» repartit Colfax. « Ai-je manqué en quoi que ce soit mes engagements pris avec vous ?»« En aucune sorte, monsieur Colfax. Je suis arrivé pauvre aux États-Unis, j'en reviens riche, et je n'oublierai jamais que je vous suis redevable de ma fortune. »« Vous avez triplé, quadruplé la mienne, nous sommes donc quittes. » et vous ne me devez aucune reconnaissance. Mais vous ne me dites pas quels sont les motifs qui vous ont déterminé à rompre notre association. Je vais vous les faire connaître, et lorsque vous m'aurez entendu, vous comprendrez, j'en suis convaincu, que je ne pouvais pas, que je ne devais pas faire autrement. Voyons cela. Vous connaissez de nom du moins Madame de Valombreuse ? Demanda Maury. Oui. Eh bien, depuis 3 ans, je suis fiancé à l'une de ces filles que j'aime, dont je suis aimé, et que je dois prochainement épouser. Or, votre fille adoptive poursuit, vous ne l'ignorez pas, la duchesse d'une haine incessante, implacable. Et mon devoir me commande de cesser toute relation avec les ennemis de la famille dans laquelle je vais entrer. Je comprends, dit l'Américain après un silence, et quoi qu'il m'en coûte de me séparer de vous, je ne puis que vous approuver. À votre place, j'agirai comme vous le faites. J'étais certain que vous me répondriez ainsi, monsieur Colfax, reprit Amaury. Maintenant que nous sommes d'accord sur ce point, je m'hâte de vous apprendre que vos intérêts ne souffriront en aucune façon de notre rupture. Avant de quitter la Pennsylvanie, j'ai pourvu à tout, et celui auquel j'ai remis la direction de votre exploitation remplit toutes les conditions désirables de savoir et de probité. C'est un second moi-même que vous auriez en lui. Vous me l'affirmez, votre parole me suffit, répondit l'Américain. M. de Kerlusset tira alors de son portefeuille plusieurs papiers couverts de chiffres et les présentant à son associé. Voici un relevé au jour le jour des produits expédiés depuis votre départ. Veuillez en prendre connaissance. Colfax, qui avant tout et malgré tout était un homme positif en affaires, se leva, ouvrit son secrétaire, prit un registre, le compulsa et compara les totaux. Exact, parfaitement exact, fit-il en refermant son registre. Puis, regardant Maury, ainsi nous nous voyons pour la dernière fois. C'est probable, répondit Kerlusset. Colfax se leva, fit quelques pas en long et en large dans son cabinet, murmura plusieurs paroles comme en se parlant à lui-même, et tout à coup, s'arrêtant devant le vicomte, j'avais espéré autrefois que nous ne nous séparerions jamais. Cependant, vous n'ignoriez pas qu'une fois ma fortune faite, oui, oui, je sais cela, interrompit l'Américain. Mais si vous aviez vos idées, moi j'avais les miennes. Qui n'a pas fait de rêve dans sa vie? Et j'en avais fait un. Dieu n'a pas permis qu'il se réalisât. Pauvre Mary, cher enfant. Lorsque je voyais l'un à côté de l'autre, jeunes tous les deux me souriant, parfois je me disais, et c'est la mort qui devait me répondre, la mort inexorable qui me l'a prise. Ah, tenez, ne parlons plus de cela. Colfax essuya les larmes qui coulaient de ses yeux, puis tendant la main à Maury. « Adieu, monsieur de Kerlusset, » dit-il. « Adieu. » Maury prit de sa main celle de l'Américain et la pressa longuement. « Adieu, cher monsieur Colfax, » lui répondit-il d'une voix calme. « Adieu et merci. Merci à vous, à qui je devrai le bonheur de ma vie. » Il quitta alors le chalet et s'en retourna à l'auberge où il était descendu 2 heures auparavant avec Octave de Valombreuse. Le jeune duc, assis devant une table, un pot de bière vide à côté de lui, fumait un long dress en attendant. « Je croyais que vous ne reviendrez jamais, » lui dit-il. « Est-ce que l'entrevue avec cet Américain était orageuse ?»« Pas le moins du monde, » répondit le vicomte. J'expliquai à M. Colfax les raisons qui m'obligeaient à rompre notre association, et il les a parfaitement comprises. « Eh bien, ce brave homme est plus heureux que moi, mon cher Amaury. Moi, je ne les comprends pas. La chose est fort claire, cependant. Comment, en demeurant une année de plus dans cette région de sauvages, vous récoltiez une nouvelle moisson de dollars, et cela ne vous a point tenté? J'avais le mal du pays. Cette infirmité vous a pris alors tout à coup, car vous n'en aviez jamais soufflé mot dans vos lettres à ma mère. Il me tardait ensuite de revoir ma chère Marcel. Ça, je le comprends. Mais lorsqu'on revient de l'autre monde, on annonce ordinairement son retour, et vous tombez à Paris comme un coup de foudre, sans prévenir personne. Pour une raison bien simple, la veille du jour de mon départ, j'ignorais encore que je partirais. « Mon cher Amaury, » dit Octave, après un instant de réflexion, « vous me cachez quelque chose. »« Eh bien oui, » répondit M. de Kerlusset, poussé dans ses derniers retranchements. « Je m'en doutais bien. Je suis revenu aussi brusquement en France parce qu'un ennemi menaçait dans l'ombre votre chère famille. Un ennemi. Oui, et c'est à vous qu'il a porté ses premiers coups. À moi, votre ruine. Mais elle a été méditée, calculée, commandée. Cette Célestine Marbot n'était qu'un instrument dans les mains de Martineau, et Martineau lui-même n'obéissait qu'à un mot d'ordre occulte. « Serait-ce possible ?» dit Octave, stupéfait. « Votre ruine accomplie, l'ennemi dont je vous parle dirige maintenant ses coups contre votre mère, contre vos sœurs, contre tous ceux qui approchent votre famille, et c'est pour cela que j'ai rompu avec John Colfax. En ce cas, cet ennemi qui nous poursuit, c'est donc lui ?» s'écria le jeune duc de Valombreuse. « Non, c'est Miss Colfax, sa fille adoptive. Mais pourquoi nous poursuit-elle? Nous ne la connaissons pas. Quel mal lui avons-nous fait pour nous être attirés son ressentiment? Prêtez-moi toute votre attention, Octave. Vous n'avez point oublié, sans doute, le tragique événement qui s'est passé il y a 4 ans au château de Faubourlois. Vous voulez parler de cette tentative d'empoisonnement dont ma mère a failli être victime? Eh bien, Miss Colfax n'est autre que l'ancienne institutrice de vos sœurs. Flavia Morin? Oui, Flavia Morin, qui se dit innocente et qui veut se venger sur votre mère et sur vos sœurs de la condamnation qui l'a frappée. Que m'apprenez-vous là? Je l'ai vue tout à l'heure, je l'ai conjurée, suppliée de renoncer à sa vengeance, elle a été inflexible. Eh bien, dit Octave en se levant, je vais de ce pas trouver Monsieur Colfax. Il faudrait bien que j'obtienne de lui ce qu'a refusé sa fille adoptive. Octave, mon cher Octave, reprit Kerlucet en voulant l'arrêter. Je suis le chef, et le seul chef de la famille Valombreuse, répondit le jeune duc avec dignité. Comme tel, c'est à moi qu'il appartient de veiller à la défense et au maintien de son honneur. Vous ne trouverez donc pas mauvais, mon cher Maury, que dans les circonstances présentes, je prenne conseil que de moi-même. Un mot, un seul mot, mon ami. Je comprends et j'approuve votre détermination, mais ne l'oubliez pas. La colère est souvent une mauvaise conseillère. Attendez jusqu'à demain. Vous aurez toute la nuit pour réfléchir. Demain, vous serez plus calme et alors vous pourrez les trouver, Monsieur Colfax. Octave demeura pensif pendant quelques instants. Puis il répondit à Monsieur de Kerlucet. Soit, je ferai ce que vous me dites. J'attendrai jusqu'à demain. Le lendemain, à 10 heures du matin, Octave de Valombreuse se présentait chez Sir John Colfax, auquel il faisait passer sa carte. L'Américain, en voyant le nom qui s'y trouvait inscrit, ne put se défendre d'un vif mouvement d'étonnement. « Que me veut ce jeune homme ? » pensait-il. « Faites entrer au salon, » dit-il la scabieuse. Quelques instants après, Octave et Colfax se trouvaient en présence l'un de l'autre. « Quel motif me procure l'honneur de votre visite, monsieur ?» demanda l'Américain au jeune duc. « Mon nom, que vous avez lu sur ma carte, doit vous indiquer pourquoi je viens, » répondit Octave. « Ma foi non, » répliqua assez brusquement Colfax. « S'il en est ainsi, je vais vous l'apprendre. Parlez. Votre fille adoptive, monsieur, a acquis, l'une après l'autre, par l'intermédiaire d'un sieur Salavert, toutes les propriétés que je possédais. « Avez-vous été payé ? » interrompit l'Américain. « Sans doute. Alors je ne comprends pas. » « Patience, vous allez comprendre. » L'entretien, on le voit, s'engageait de part et d'autre avec une certaine acerbité. Le jeune duc poursuivit. « Lorsque je fus ruiné, et si bien ruiné, que je n'aurais point trouvé un pauvre petit sou de crédit chez mes fournisseurs, un individu est venu m'offrir, de la part d'un prêteur anonyme, une somme de 200 000 francs sur ma simple signature. À quel taux ? Au taux légal. Cela prouve qu'on avait une grande confiance en vous. » répondit froidement Sir John Colfax. « Cela prouve, répliqua Octave, qu'après m'avoir dépouillé, on voulait dépouiller ma mère qui, certes, n'eût point laissé protester ma signature. « Un prêt n'est pas un cadeau, » dit l'Américain avec le même sang-froid. « Savez-vous, monsieur, quel était ce prêteur complaisant, ou plutôt cette prêteuse, dont je n'ai su le nom que plus tard ?»« Mais qu'est-ce que tout ça me fait à moi ?» reprit Colfax en tapotant sur la table. Ce qui était chez lui l'indice d'une très vive impatience. Cette prêteuse, continua le jeune duc, était Miss Colfax, ou pour mieux dire, Mademoiselle Flavia Morin, l'ancienne institutrice de mes sœurs, qui après avoir, pour je ne sais quel motif, comploté autrefois ma ruine, ose aujourd'hui s'attaquer à ma mère, et je viens vous demander de faire cesser la guerre que votre fille adoptive a déclarée à notre famille. « Ce n'est pas en mon pouvoir, » répondit sèchement l'Américain. Et pourquoi ? Parce qu'en devenant le père de Flavia, je me suis engagé vis-à-vis d'elle à la laisser complètement maîtresse de ses actes. Mais si ses actes sont répréhensibles et injustes, oh oh ! Fit Colfax, hochant la tête. Là est toute la question. Qu'entendez-vous par ces paroles ? Reprit vivement le jeune duc. Expliquez-vous. À quoi bon ? Répondit l'Américain, qui par un sentiment de générosité ne voulait pas dénoncer au fils le crime de sa mère. « Ainsi, vous me refusez l'explication que je vous demande ?» dit Octave. « Oui. »« Et vous ne voulez pas intervenir auprès de Miss Colfax pour qu'elle ait cessé ses hostilités ?»« Non. » La colère qui peu à peu avait envahi Octave et que jusqu'à présent il s'était forcé de comprimer, éclata à ce dernier mot de Colfax. « Monsieur, en France, lorsqu'une femme nous offense ou nous menace, si elle est seule, hausse les épaules et tout se borne là. Mais si derrière cette femme il y a un mari, un frère ou un père, c'est lui qui devient responsable. » L'Américain ne sourcilla point. « Donc, continua le jeune duc, si Mademoiselle Flavia Morin persiste à nous poursuivre de sa haine, que je vous le répète, je ne m'explique point, c'est à vous, monsieur, que je m'en prendrai. » Octave avait à peine prononcé ces mots que la porte s'ouvrit avec fracas et sur le seuil apparut, semblable à la statue de la vengeance, Flavia Morin, les regards étincelants. « Ah, vous venez provoquer mon père !»« Eh bien, c'est moi qui vais vous répondre. Et d'abord, mon père et moi, nous ne vous devons aucune réparation, car votre mère est ma débitrice. » Aurait-elle oublié de vous solder vos gages, à vous, sa salariée ? Répondit le jeune duc avec un souverain mépris. « La duchesse, votre mère, me doit quelque chose de plus, le paiement de mon honneur, » reportit Flavia. « De votre honneur, et comment cela ? Votre mère m'a fait condamner comme empoisonneuse lorsqu'elle me savait innocente. Je ne vous crois pas !» s'écria Octave. « Lisez ceci et vous me croirez !» répondit l'ancienne institutrice en lui tendant la déclaration signée de la duchesse. « Je ne veux pas lire et je ne vous crois pas !» reprit le jeune duc en repoussant la main de Flavia Morin. « Mais regardez, c'est la confession de son crime. Je ne vous crois pas, et l'univers entier m'affirmerait que ma mère est coupable, que je répondrais que ce n'est pas vrai. » Puis se tournant vers Sir John Colfax. « Monsieur, si vous me refusez la réparation que j'attends de vous, je vous ferai un de ces outrages qui vous contraindront à vous battre avec moi. » En prononçant ces paroles, il retire l'un de ses gants. « Je tiens votre outrage comme reçu, » répondit l'Américain d'un ton calme. « mon père !» s'écria Flavia. « Taisez-vous, ma fille !» dit Colfax. « Vos armes ?» reprit le jeune duc. « Le pistolet. L'endroit ?» « Le Semnose. L'heure ?» « Demain, 8 heures du matin. »« C'est bien !» fit Octave en se dirigeant vers la porte du salon. « Un mot !» dit Colfax en l'arrêtant. « Vous m'avez provoqué, laissez le choix des armes. Fort bien. Mais nous autres, Yankees, nous sommes gens essentiellement pratiques et nous avons horreur des choses inutiles. Or, vos duels à la française exigent des témoins auxquels on est obligé de raconter la cause du litige, puis il faut régler les conditions du combat. 90 fois sur 100, on est blessé, on s'estropie, ou, si l'on est atteint mortellement, le plus souvent, on ne s'en va dans l'autre monde qu'après d'atroces souffrances. Moi, je veux supprimer toutes ces mauvaises chances. Après, dit le jeune duc, qui ne pressentait pas la conclusion d'un si singulier débat, voici la chose. Nous placerons 2 pistolets, dont un seul chargé sous un mouchoir, puis nous les tirerons au sort et chacun de nous, après avoir fait une déclaration écrite annonçant son suicide, appuiera sur son front, un signal convenu, l'arme qui lui sera échue. Le ciel fera le reste. Ma proposition vous convient-elle ? Mon père, vous ne vous battrez pas, je ne veux pas que vous mouriez, s'écria Flavia en se jetant tout éperdu au cou de Colfax. Demain matin à 8 heures, monsieur, je serai au Semnose, répondit Octave en se retirant.